les racines mystiques de Montréal. Au cours des trois premiers épisodes de notre série, nous avons mis à jour les racines mystiques de la création de Montréal. En menant cette enquête, je me suis rendu compte que l'aventure de la fondation de la ville a été un peu mise de côté, voire complètement oubliée. Je vous reçois aujourd'hui Patrice Groux, historien de l'Université Laval à Québec, car vous êtes spécialiste de la mémoire historique. Pour comprendre comment l'épopée des Canadiens français s'est écrite, il faut se tourner vers François-Xavier Garneau. C'est sûrement la première fois que nos auditeurs entendent ce nom. Vous êtes actuellement en train d'écrire sa biographie, Patrice Groux. Vous pouvez nous en dire plus sur ce personnage? Ce qu'il faut voir, c'est que Garneau est vraiment le fondateur de l'historiographie québécoise, la façon d'écrire l'histoire. Et en fait, il a fondé un sujet historique qui sont ce qu'on appelle les Canadiens à l'époque, c'est-à-dire les francophones, mais il a fondé réellement la nation dans sa mémoire. Donc, il a synthétisé, en fait, toute l'expérience historique des Québécois de son temps. Il y avait des intentions là-dedans. C'était d'abord et avant tout une réplique à l'Union qui visait à détruire, à faire disparaître les Canadiens français, les francophones. Et pour rendre cette disparition impossible, eh bien, Garneau a écrit son histoire du Canada. En fait, il répondait, il ne l'a pas dit comme ça, là, mais il répondait à cette idée que Lord Durham avait avancé que les Canadiens étaient un peuple sans histoire et sans littérature et que par conséquent, ils n'avaient pas de raison de continuer à persévérer d'exister et qu'il fallait qu'ils s'anglicisent graduellement pour arrêter d'empêcher le progrès, et le progrès étant bien sûr la prédominance anglo-saxonne en Amérique du Nord. François-Xavier Garneau est donc le premier historien québécois. Mais alors, dans quel cadre Lord Durham a-t-il tenu les propos qui ont profondément choqué Garneau? Bon, alors Lord Durham a écrit un rapport. Il y a eu les événements de 37-38, un soulèvement armé qui a été mené par une frange plus radicale du Parti patriote. Et à la suite de ce soulèvement-là, on a envoyé Durham, qui était d'ailleurs un libéral, même radical, on l'appelait Radical Jack à l'époque, donc un libéral à qui on donne la mission de gouverner d'une part et d'autre part de faire enquête sur les raisons pour lesquelles ce soulèvement a eu lieu. En fait, les raisons, on les connaissait déjà, c'est-à-dire il y avait une très forte opposition entre le Parlement et les élus du Parlement et le pouvoir britannique. Et donc Durham a fait son enquête, il s'est entouré d'Anglais qui étaient hostiles en fait à la majorité francophone, et il a pondu un rapport où il préconisait entre autres l'union du Haut et du Bas-Canada pour minoriser les francophones et pour faciliter l'expansion anglaise sur la partie britannique de l'Amérique du Nord. Et c'est là qu'il a eu ce jugement, parce qu'en fait, il allait chercher ces informations de l'oligarchie marchande anglaise, qui, elle, était extrêmement hostile aux francophones. Et c'est là qu'il a eu ce jugement pour dire qu'il fallait faire disparaître, en fait, ces résidus d'ancien régime, parce que c'est comme ça qu'il, lui, voyait les choses. C'était un libéral, il ne faut pas oublier. Donc, pour lui, les Canadiens étaient un peuple d'ancien régime, même si, en réalité, les patriotes étaient des libéraux. Aussi défendaient des idées libérales. Mais, bien sûr, Durham a noirci leur image, là. À quel moment François-Xavier Garneau a-t-il décidé de commencer à écrire l'histoire des Canadiens français? Donc, Garneau, il existait avant le rapport de Durham. Il s'intéressait à l'histoire. C'est un patriote. Il était membre de ce parti, de cette frange-là, mais il n'était pas dans la frange radicale. Il était à Québec. Il avait déjà écrit plusieurs poèmes patriotiques dans les années 1830 et 40. Au moment où ce coup de massue tombe, Garneau décide d'écrire une histoire qui va réellement réhabiliter complètement la mémoire des Canadiens. En d'autres mots, ce qu'il va dire, c'est que si on veut nous faire disparaître, ils ne pourront pas faire disparaître notre mémoire. Celle-là, elle va toujours exister. Donc, il y avait ce côté je dirais pas désespéré, mais cette volonté dans une situation très grave là, de réaffirmer l'existence. Et donc Garneau commence à entreprendre d'écrire cette histoire-là à partir de 1842-43. Le premier volume paraît en 1845, le deuxième en 46, le troisième en 48 et le quatrième avec la deuxième édition en 1852. Son livre a-t-il eu de grandes retombées quand il est sorti? Son ouvrage était très attendu, il a été bien diffusé, mais il faut voir que les conditions de l'édition à l'époque, c'était le premier grand ouvrage qui était produit, les conditions, c'était lui-même qui en fait produisait l'ouvrage, il le faisait imprimer par un imprimeur de Québec, c'est lui-même qui assurait la distribution de son ouvrage, il l'a fait à partir de son propre argent à lui, donc des conditions vraiment difficiles. Il a quand même persévéré dans sa première, deuxième et troisième édition, sans aide, ou un petit peu d'aide à un moment donné, mais presque sans aide. François-Xavier Garneau a-t-il intégré dans son livre l'épisode de la Fondation de Montréal? Garneau parle peu de Montréal, il en parle en fonction des renseignements qu'on a à l'époque, qui ne sont pas très, très, très abondants. Il connaît Maisonneuve, bien sûr. En fait, les relations des Jésuites, elles étaient quand même bien diffusées. Donc, il connaît plusieurs éléments de la Fondation, mais il n'accorde pas une importance plus grande à cet événement-là qu'à la Fondation de Québec, par exemple. Parce que, pour lui, les vraies grandes fondations, au départ, c'est l'Acadie et c'est Québec par Champlain. Montréal intervient aussi, mais n'a pas l'importance qu'on pourrait lui accorder aujourd'hui, par exemple. Surtout pas dans le cadre du 375e anniversaire, bien sûr. Donc Montréal est présente, mais n'a pas énormément de relief. Il faut voir aussi qu'à l'époque, Montréal est une ville comparable à Québec en termes de population. Alors, c'est une ville qui va... Mais c'est à partir de 1840, justement, que Montréal, qui va devenir une capitale aussi, où vont se concentrer beaucoup de capitaux, et avec l'ouverture de la voie navigable du Saint-Laurent aussi, le commerce maritime va se rendre plus facilement jusqu'à Montréal. Montréal va devenir un carrefour durant ces deux décennies, 1840-1860 à peu près. Donc, il y a un contexte aussi qui fait que Montréal va finir par dépasser Québec, et bien sûr, l'intérêt pour l'histoire de Montréal va devenir plus grand pour cette raison-là. Le passage sur la Fondation de Montréal dans le livre de François-Xavier Garneau est très court. Alors, qui a vraiment consigné l'histoire des premiers temps de la ville? Ben, le premier, le plus important, il y a eu les relations des Jésuites, bien sûr, qui parlaient constamment de Montréal à travers l'expérience des missionnaires, mais le premier qui a couché sur papier cette histoire de Montréal, c'est le prêtre sulpicien Dollier de Casson, qui était le prêtre responsable de la paroisse de Montréal et qui était également le seigneur de l'île de Montréal à son époque. Mais Dollier de Casson, ce qu'il a fait, c'est qu'il a consulté les témoins de l'époque qui étaient encore en vie. Il a écrit en 1671, donc il a consulté des témoins de l'époque. Il y en avait encore des vivants là, qui pouvaient en parler. Et également les archives qui étaient à sa disposition. Il a écrit un manuscrit qui s'intitule « L'histoire du Montréal », qu'il a envoyé à Saint-Sulpice à Paris, qui s'est recouvert de poussière pendant plusieurs décennies à partir de ce moment-là. Et le manuscrit a été redécouvert en 1845, dans un effort que les Canadiens, ou les Canadiens français, les Canadiens anglais aussi, ont fait pour redécouvrir aussi leur propre histoire. Et c'est là qu'on retrouve Garneau. Finalement, Garneau fait partie d'un vaste mouvement de reconquête de la mémoire. C'est lui qui a écrit l'histoire du Canada, c'est lui qui l'a vraiment formalisé, mais ils étaient tout un réseau qui travaillait sur ce problème-là des origines. Le manuscrit de Dollier de Casson a-t-il eu une large résonance? Ce qu'on peut dire, c'est que le manuscrit ayant été redécouvert a été transcrit et une fois ici, a été publié, édité. Donc, on a commencé à avoir réellement une connaissance de Montréal à partir des années 1840-1850. Qui s'est élargie. Elle n'était pas... Le document est publié, mais ça ne veut pas dire que tout le monde l'achète. C'est simplement que les érudits de l'époque avaient maintenant accès à une nouvelle source, qui est une source vraiment importante, qui a été structurante, en fait, pour la légende dorée de Montréal. Qui a pris le relais de la construction de l'histoire pour entretenir la mémoire? L'historien suivant, ça va être un autre sulpicien, c'est l'abbé Faillon, qui va écrire une histoire de la colonie française en Canada. En fait, il avait prévu un ouvrage de 10 volumes. Il est décédé avant, donc il ne s'est pas rendu très loin, mais il a fait fond de l'Île-de-Casson beaucoup pour raconter les grands exploits des fondateurs. Alors, c'est l'abbé Michel-Étienne Faillon qui est donc un personnage important dans la constitution de cette mémoire de Montréal. Il a par exemple contribué à faire connaître des personnages comme Dollard des Ormeaux. Faillon a certainement contribué à populariser Dollard des Ormeaux. Là, vous pouvez parler de Dollard. Donc, ce héros de la Nouvelle-France, en fait, qui a arrêté, disait-on même à l'époque, une invasion barbare, une invasion des Iroquois. Et l'exploit de Dollard a été mentionné par Delier de Casson dans son Histoire du Montréal. Il consacre toute l'année 1660 à cet événement-là. Et Faillon s'est emparé du récit de Delier de Casson pour l'améliorer encore et finalement constituer ce que j'ai appelé dans un de mes livres le récit canonique de la bataille du Lonceau, c'est-à-dire celui qui indique qui sont les personnages les plus importants, quelle est la façon dont l'événement se déroule, la date de l'événement, le lieu de l'événement, et ainsi de suite. Donc, on a réellement constitué la légende de Dollard. On pourrait dire que c'est Faillon qui a formalisé la légende de Dollard, qui par la suite a été reprise en anglais par Francis Parkman et en français par l'ensemble des autres historiens. Dollier de Casson et Faillon, à travers leur vision, ont donc bâti une sorte de légende dorée autour de Montréal et même plus largement autour du Québec, c'est bien ça? L'idée de l'existence de la raison pour laquelle le Canada français existe, c'est l'idée que c'est une nation qui obéit à un plan divin qui est celui de l'expansion du catholicisme en Amérique du Nord. Donc, les Canadiens français sont un peuple élu. Et à ce moment-là, tous les personnages qui entrent dans la construction de la nation sont des personnages qui font partie de ce plan divin également. Alors, à ce moment, comprenez que, donc, si on parle de Maisonneuve, par exemple, faites le tour de la statue. Vous allez voir tous les personnages centraux de la saga de Maisonneuve. Vous avez des stèles qui nous montrent, par exemple, la bataille du Champ de Mars. Vous avez la bataille du Lonceau. Vous avez des personnages comme Lambert Kloss et sa chienne pilote. Vous avez tous ces personnages-là qui font partie de la légende de Montréal sont représentés dans la statue et sur le socle de la statue. Donc, on peut dire que la légende dorée de Montréal a été cristallisée dans ce monument-là qui, lui, était là pour fêter l'anniversaire de la fondation de la ville, le 250e anniversaire en 1892. Donc, ce que les historiens de l'époque vont faire, ils sont persuadés qu'ils travaillent de façon scientifique. Ils ont des archives, ils peuvent appuyer leur dire, mais ils construisent un récit en même temps, un récit dans lequel les personnages jouent des rôles particuliers, des rôles d'acteurs, des rôles agissants, des rôles passifs. Il y a les amis, les ennemis, il y a les tribulations de ces gens-là. Et ces récits-là sont populaires parce qu'ils font partie... Ils se racontent, ils montrent des une image héroïque des ancêtres. Et donc, il montre l'importance que les ancêtres ont prise dans la construction du pays. En d'autres mots, il donne une profondeur historique. Ils appuient cette idée que Garneau avait voulu de premier, je pense, incarner. C'est l'idée que les Canadiens sont un sujet historique et qu'étant un sujet historique, ils ont un droit d'existence et un droit de continuer de se développer. Ils ont de l'importance, finalement. On a l'impression que certains personnages clés dans l'histoire de Montréal ont été un peu oubliés. Je pense notamment à Jean-Jacques Ollier, que nous avons croisé dans l'épisode 3. D'après vous, quelles sont les causes de ce phénomène? Vous savez, l'histoire est cumulative. Hein? Alors, si on se mettait à mettre tous les personnages importants qui s'ajoutent au fil des ans, bien sûr, on pourrait passer une année complète à étudier l'histoire et à rien faire d'autre. Donc, il y a un écrémage qui se fait, comme dans un dictionnaire. Vous savez, il y a des nouveaux mots qui rentrent. On en éjecte un certain nombre aussi par la même occasion. Et bien sûr, il y a des personnages qui vont disparaître de la circulation pour cette raison-là, qu'on va moins retenir. Il y a également aussi le fait que les intérêts pour l'histoire vont deviennent différents. L'histoire religieuse a été très importante à une certaine époque, mais à partir des années 1940, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on commence à s'intéresser à l'histoire sociale. Et par conséquent, c'est d'autres types de sources qu'on va se mettre à consulter. Des sources, par exemple, les recensements, des sources, des archives hospitalières, des archives judiciaires, bref, un certain nombre d'autres éléments qui vont contribuer à faire connaître l'histoire ou d'autres facettes de l'histoire. Et par conséquent, des personnages comme Ollier vont être un peu occultés par d'autres sujets d'intérêt. Et puis également, on a une histoire plus sociale qui va apparaître et les grands héros vont avoir moins d'importance. C'est les petites gens qui vont devenir un centre d'intérêt. Et par conséquent, encore une fois, les personnages qui avaient du relief à l'époque seront moins bien perçus. Il y a peut-être un autre effet aussi, c'est qu'on va découvrir quelques squelettes dans les placards de certains de ces personnages-là, ce qui va aussi contribuer un peu à dévaloriser ou, disons, à accorder moins d'importance ou à plus de doutes quant à leur importance dans l'histoire. Vous parlez de squelettes dans le placard, mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui vient ternir la réputation d'un personnage quelques siècles après sa mort? Je prends l'exemple de Dollard des Ormeaux. Dollard des Ormeaux, pendant très longtemps, c'était un grand héros. Et puis, à un moment donné, à partir des années 1930, avec la crise, on commence à battre des personnages importants. On commence à scruter davantage les raisons pour lesquelles... à vérifier si les raisons pour lesquelles on les a mis sur un piédestal étaient encore valides. Alors, Dollard des Ormeaux, lui, est passé à la moulinette, littéralement, à partir de 1940, à peu près. C'est pas tellement que le personnage... Il y avait rien de caché dans son placard. Parce qu'en fait, on ne sait pas grand-chose sur Dollard des Ormeaux. Et c'est là qu'on peut voir d'ailleurs aussi comment on fabrique un héros à partir de pas grand-chose non plus. Donc, il n'y avait rien à dire à son sujet, mais on a commencé à interroger les motifs de son expédition. On avait toujours dit, après Fayon, qu'il était parti comme un kamikaze là, dans un suicide volontaire pour arrêter les Iroquois. Et puis, en retournant dans les documents, on s'est rendu compte que non, il partait pour une expédition, oui, c'est vrai, dangereuse sans aucun doute, comme toutes les expéditions à l'époque, mais dans le but éventuellement de défaire des Iroquois qui reviendraient de leur chasse durant l'hiver et de s'emparer de leur fourrure. Alors, Dollard commence à prendre une autre tournure. Dans certains cas, ce genre de changement-là était bon. Un personnage comme Radisson, qui était plus douteux encore que Dollard, qui était un coureur des bois, va réussir à passer le test parce que, où il réussit à devenir un héros, parce qu'on va lui attribuer des valeurs entrepreneuriales, si vous voulez. D'abord, lui a réussi, alors que Dollar est mort, c'est déjà un avantage. Mais lui aussi a été l'objet d'un réexamen complet de son cas. Et par la suite, on a réinjecté certains de ces personnages-là de nouvelles valeurs. Je prends un personnage comme Jacques Cartier, par exemple, qui au départ était un explorateur et pas un évangélisateur parce qu'il ne l'a pas fait, mais qui apportait le christianisme sur le territoire. À partir des années 60, on commence à lui découvrir toutes sortes d'autres qualités, des qualités entrepreneuriales, des qualités de géographe, des qualités d'ethnographe pratiquement, parce qu'il a écrit des récits. Autrement dit, il y a des personnages qui passent, puis d'autres qui passent plus à partir des années 60. Et la Révolution tranquille a été réellement une époque où un bon tamisage s'est fait à ce moment-là. Donc Champlain, par exemple, a très bien réussi, parce que Champlain avait tout pour lui. Il était courageux, il était entreprenant, il était diplomate. Lisez la biographie de Champlain aujourd'hui, il a toutes les qualités qu'on peut imaginer. C'est l'anti-Trump, là, si vous voulez, de la colonisation. Alors qu'un personnage comme Dollard de Zormeau ne peut plus passer parce que, d'une part, il n'était rien ou il n'était pas grand-chose réellement. Son événement, on s'est rendu compte qu'il y en a tout de même eu d'autres, des batailles avec des Iroquois. Et aussi, ce côté un peu prédateur, finalement, est également un peu déplaisant. Ajoutez à cela que toute la commémoration qui s'est faite sur le personnage noircit constamment les Autochtones, bien, on a ici un mélange qui devient maléfique là, pour l'image du personnage, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on le considère, il est très fortement déprécié. Chomdel Maisonneuve n'a pas eu tant de place que ça pendant les cérémonies du 375e anniversaire de la ville. A-t-on quelque chose à lui reprocher? Ben, écoutez, dans le cas de Maisonneuve, il a tout de même été le fondateur et l'organisateur de la ville de Montréal. Ce qui lui est arrivé, je trouve intéressant, c'est qu'on lui a trouvé une cofondatrice. Donc, c'est le personnage prend déjà moins de valeur parce qu'on coupe l'action en deux, là. Donc, il y a M. de Maisonneuve et Jeanne Mance qui vient à côté. C'est tout à fait typique, en fait, de notre époque qui revalorise la place des femmes, par exemple, qui revalorise dans ce cas-ci le rôle d'une personne qui était une soignante, qui, bien sûr, est venue pour des motifs religieux, mais qui n'était pas une religieuse comme telle, ou qui venait pas avec une communauté religieuse. Alors, on a un certain nombre de facteurs qui permettent d'améliorer, si on veut, l'image de Jeanne Mance. Jeanne Mance était connue. On lui accordait déjà de l'importance, mais de la nommer cofondatrice de Montréal, ça aurait réellement été un moment intéressant, je pense, dans le sort commémoratif que Maisonneuve a eu, lui. D'autre part, oui, quand il y a moins de documents, c'est sûr qu'on peut broder beaucoup. Mais on est à une époque où on se méfie justement des broderies et où on veut retourner à là où la science nous amène réellement, c'est-à-dire quels sont les faits, quelle est la connaissance que nous avons, quel est le contexte et ainsi de suite. Et par conséquent, ben Maisonneuve, il peut donner autant qu'il peut lui-même, mais à un moment donné, c'est clair qu'il faut un contexte pour pouvoir le mettre réellement en valeur. Au fond, la Révolution tranquille n'a-t-elle pas voulu faire de la place dans les mémoires pour mettre en valeur les nouveaux héros du Québec et écarter un peu le passé catholique? Oh, je dirais pas ça. En fait, ce qui s'est produit, la Révolution tranquille a apporté une laïcisation de la société et le clergé a pris moins d'importance dans les vies sociales. La vision du clergé également. Le clergé qui était quand même, qui contrôlait le système, le réseau scolaire, hein, donc aussi tous les ouvrages scolaires étaient visés par le clergé. Eh bien, à partir du moment où on crée un ministère d'éducation, à partir du moment où on crée des programmes scolaires qui accordent moins d'importance à la religion, bien sûr, cette présence religieuse est moins forte. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas son importance, parce que finalement, les religions ont été là dès le début de la colonie. La colonie a été fondée aussi pour des motifs religieux. Dans le cas de Montréal, c'est particulièrement vrai. C'est moins vrai dans le cas de Québec, mais dans le cas de Montréal, c'est particulièrement vrai. Donc, on ne peut pas du tout écarter la conception, la partie religieuse de la chose. Et puis, il faut voir aussi qu'il y a, dans notre société, des mouvements actuels qui réagissent contre la prégnance du religieux. On a beaucoup de débats là sur la place justement de la religion dans la société ou des religions dans la société. On relativise aussi la religion. Donc tous ces éléments-là font en sorte que l'aspect religieux est moins compris. Et puis troisième élément, si on veut, c'est que la pratique religieuse a tellement tombé que le désir ou le besoin d'aller chercher des héros religieux est également moins présent là. Vous savez que les monuments, par exemple, ou les vitraux qui nous montrent ces personnages-là, ben, si personne ne les voit, ils sont moins présents également dans l'esprit des gens. Et donc, le religieux s'efface aussi socialement. Alors, tout ça va contribuer, bien sûr, à ce que dans la façon dont on raconte l'histoire, la partie du religieux va prendre moins d'importance. Donc, pour vous, en résumé, l'historiographie a été plus marquée par la lutte avec les Anglais. Tout à fait. Tout à fait, parce que la domination anglaise, d'abord, s'est imposée après une guerre qui a quand même décimé la population québécoise. C'est un acte de conquête. Et forcément, la conquête des humains, c'est aussi la conquête de leur mémoire. Donc, il y a eu, et je crois que c'est très présent dans Garneau, il y a eu une résistance, en fait, à la façon dont l'Angleterre ou les sujets anglais présentaient l'histoire qu'on avait ici, qui glorifiait, en fait, le conquérant, qui glorifiait Wolfe sur la bataille des plaines d'Abraham, et ainsi de suite. Et donc, il y a une réaction de l'historiographie francophone à cette historiographie anglophone qui dénigre, en fait, les perdants. Les dénigre, mais pas trop, parce que vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc, on les dénigre, mais on leur trouve quand même quelques qualités. Notre historiographie a été profondément marquée par ça, y compris une historiographie tout à fait francophone, parce qu'il y a des francophones qui, sans même s'en rendre compte, en fait, adhèrent à certains canons de l'historiographie anglophone. Par exemple, le fait que la conquête était providentielle pour les Canadiens, ou le fait que l'Angleterre a apporté des libertés. Même Garneau le dit. Mais Garneau le dit pas pour glorifier l'Angleterre, il le dit pour dire l'Angleterre apporte des libertés, mais nous sommes sujets anglais et nous n'avons pas les libertés que vous prétendez nous avoir apportées. Et c'est là que Garneau, lui, va intervenir pour mettre sous le nez du pouvoir le fait qu'il ne respecte pas les engagements qu'il devrait avoir vis-à-vis de ses propres sujets. Alors, oui, dans ce sens-là, si vous voulez, l'historiographie anglaise ou la façon anglo-saxonne de concevoir l'histoire du pays nous marque profondément. Je dirais même qu'elle imbibe une bonne partie de notre manière d'écrire l'histoire. Les racines mystiques de Montréal.